n'en peux plus. Éruption dans ta chambre, après un sbire de chambre. Je te regarde dans les yeux, au fond de ton lit cage. J'hésite entre être heureux ou laisser éclater ma rage. Mais dis-moi pourquoi tu pleures. Depuis plein de stars.